Yeah. Sur ce petit boom bap, sur je crame l'instru, mais 16 décembre. Je redescends Jupiter pour big up mon père, né le 16 décembre. 20, ouais, c'est l'homme dernier qui la passe à mes côtés. Aujourd'hui, les rôles s'inversent et c'est à lui de m'écouter. Ouais, je suis le capitaine du bateau, mais c'est lui qui hisse la voile. Grâce à lui, je rappe à la perfection, ouais, j'ai trouvé ma voix, check. J'ai fait quelques conneries, mais comme tous les fils, je pense. J'ai terminé à faire un film, il serait bien plus qu'un simple figurant. Mon père et moi, ça me liait comme les fils du vent. Qu'est-ce t'as, mec, t'es jaloux, ramène ta clique, je te prends. Face à mon père, personne ne fait le poids. À part toi, moi, ouais, en fait, je voulais vous remercier pour cet appartement. Je veux qu'on se taille tous les trois, dans ces trois chemins de montagne. Et ouais, pas ce thème, je voulais te le dire depuis longtemps. Putain, t'as vraiment cru que j'allais m'arrêter là. Je suis l'élève, je te respecte, t'es l'un karatéka. Eh hey, passe, tiens-toi, comme à la prunelle de mes yeux. À nouveau, je veux des conspenses face à mon plan pour contempler les cieux. Je débarrasse la table et puis je les suis comme t'as su mes erreurs. En ce moment, je bosse sur un truc qui s'appelle j'attends depuis des heures. Bref, le sujet n'est pas là. Un jour, je t'inviterai de mon palace. Ma plume a voyagé avec des mots passant par Montparnasse. Quand je chante, j'ai la patate, bien que Bertrand Cantat. Pourquoi quand j'écris ce texte, mon père ne l'entend pas? Tout simplement pour que ce premier soit présentable. Et aussi pour que mon père sache que quand je rappe, je ne plaisante pas. Même s'il le savait déjà, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il va devoir ouvrir ce cadeau. Qu'est-ce donc que cela? Du rhum décédé, un jeu de PS4, quoi d'autre? A mon avis, il ne trouvera jamais, car encore une fois, maman a assuré. Et même si ce truc n'est que petite connerie, pas moi, je vais l'assumer. Et on steak n'a pas de thème, juste pour dire qu'on t'aime.